À l'occasion du 72e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigeant national du Parti du Travail du Mexique, a fait parvenir le message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le destinataire s'est exprimé convaincu de la victoire continue du Parti du Travail de Corée, guidé par le camarade Kim Jong-un dans les activités pour défendre la souveraineté du pays et la dignité de la nation, en brisant les provocations frénétiques des impérialistes américains contre la République populaire démocratique de Corée. Et il a souhaité sincèrement plus grand succès dans son travail sublime.